Eh ouais. Ça dit quoi? La forme est dans le fond. Ouais, ouais. De la qualité à la quantité des genoux qualifiés. De la réussite à la façon d'y arriver. Politiquement parlant, de leurs promesses à leur moralité. De leurs beaux projets, autant qu'il leur faut pour les trafiquer. Je pèse mes mots, de la marchandise à l'emballage. Du message à faire passer, à la mise en page. Un monde de décalage, de l'original au plagiat. Allez-y les gars, faites place au rap, irremplaçable. La forme, dans le fond, à faire de nous des hommes. Des êtres hors normes, des écrivains avec des thèmes énormes. Se fondre dans la masse sans se confondre avec les autres qui se battent pour lire la carte quand on détient déjà le trésor. L'exhaleur, pèlerin envahit le réseau. Juste le temps d'agir sur le terrain sans trahir la raison. Oh, aucune remise en question sans réponse. La forme est dans le fond dont se font les choses. Des causes aux conséquences, des faux compétents. Paco, Micro et Corico se sont trompés complètement depuis l'époque où mon son s'est fondé concrètement. La forme est dans le fond dès qu'on reconnaît la reconnaissance. Hey, la forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et donc je rappe contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et donc je rappe contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et donc je rappe contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. On ne vise pas au-dessus de ce qu'on gère. Faut qu'on comprenne ce qu'on dit, le matériel est secondaire. Ça plaît plus si moi j'écris, j'éclaircis le complexe. Je fais ça bien, ouais, je me fous de qui dit le contraire. À l'heure où tout se répète en cœur, que tout est confus. La silhouette a pris de l'ampleur pour effacer le contenu. L'exhaleur, fidèle à moi-même face aux corrompus. Les liens sont rompus, mais que j'avance même si ce monde recule. En hommage à la toute puissance qui nous a conçus. La nature à l'état pur aiguise les vers au bout de ma plume. Maîtrisant l'espace littéraire où le temps ne se compte plus. La vie se laisse écouter à percer le mystère de l'inconnu. Et ouais c'est ça, de l'utilité au nécessaire. Du néant à ce qui ne va jamais cesser. Des discours travestis à l'expression irrépressible. C'est pour qui sait que l'estime ne se gagne pas par l'esthétique. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et donc je rappe contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et donc je rappe contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et donc je rappe contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. La forme est dans le fond. La forme est dans le fond et non pas le contraire. Les frères sont dans le sang et ne veulent plus se taire. T'as vu, le thème est complet, toute l'équipe l'envie de faire. Trop souvent l'envie de fuir sans pour autant changer de scène. Chaque signe sert à ça, aucune cible au hasard. J'ai tellement peur du monde, l'impression d'être un Maasai. Artisan d'une bataille, écrivant hors concours. La forme est dans le fond ou dans le prochain tour. Le sang tourne, les gens le rappent, surtout quand ça touche grave. Bousculer ta cervelle à l'endroit où ça ne bouge pas. Ne me touche pas, tais-toi, arrête. Vas-y qu'on en parle, la musique c'est bien connu. On en perd plus qu'on en gagne. Banal, et c'est comme ça, à chacun ses consignes. Depuis que la musique abrite en moi la meilleure voisine. Une feuille et c'est magique, non. On ne s'invente pas une vie à nos enfants de la patrie. Le jour de gloire est gratuit. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et donc je rappe contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et donc je rappe contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et donc je rappe contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Et non pas le contraire. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. La forme est dans le fond, la forme est dans le fond. Exhaleur, demi-portion. France, Belgique. Aïe aïe aïe. La forme est dans le fond et non pas le contraire. Les frères sont dans le sang et ne veulent plus se taire. Non, ne veulent plus se taire.